Personne dans le rétro. 17, ça va pas comme un attentat dans le métro. Le mesclan, tu connais la sec, ça chill tout en haut. Corleone, trouve-moi dans la tour en train de fumer Vlachi tout en haut. Ton investi, toi tu foires, je te trouve lourd comme le poids d'une carotte. Shenzhen tous les jours, négro fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Tu vas déjà par force comme David, Dieu avec moi cherche gain comme David. SERAS 500 squad, négro, je ne sous pas par la gauche comme David, équipe. Investis toi tu pharaon, je te trouve lourd comme le bois d'une carotte. Je viens tous les jours, négro, fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Investis toi tu pharaon, je te trouve lourd comme le bois d'une carotte. Je viens tous les jours, négro, fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Trois de chaînes, c'est le sens de la vie. Vendre mon âme, jamais de la vie. Est-ce que lui le base god? Bientôt je me présente pour être maire de la ville. On veut les charger avec 30 balles. Pour acheter tout tes flots avec 30 balles. Comme tu payes le bénéfice, 100% bénéfice. Le 60 avec 30 balles. 55, je suis comme Ace Negro. Chaque jour je m'allume comme Ace Negro. Je suis juste sous comme Ace Negro. Je suis comme Big L, t'es comme Ace Negro. Je me demande si je viens du Tennessee. Si que du lin, pas de NSI. Lui offre du salat, tous ces biches négro. Comme le caca du Tennessee, équipe. Toi tu pharaon, je te trouve lourd comme le bois d'une carotte. Shenzhen tous les jours, négro, fume que de la frappe comme le roi du Maroc. On investit, toi tu pharaon, je te trouve lourd comme le bois d'une carotte. Shenzhen tous les jours, négro, fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc. Pétasse, fume que de la frappe comme le roi du Maroc. Que de la frappe comme le roi du Maroc.